peut tomber du ciel. Et des pseudos sans venir de nulle part illusoire. Oh ouais, star de soir. Oh ouais, le monde tourne autour de toi. Une étoile montante nous entraîne vers une nouvelle ère. Ce soir, il ne jure que par toi. Ta policée de rêve se jette bien plus dans l'espoir. Consommable et jetable comme un Kleenex éphémère. Star de plus qui nous dépasse comme un coup.